Encore une fois, ce ne sont pas des morales que ces images proposent et elles n'engagent pas de jugement. Ce sont des dessins. Ils figurent seulement un style de vie. L'amant, le comédien ou l'aventurier jouent l'absurde. Mais aussi bien s'ils le veulent, le chaste, le fonctionnaire ou le président de la République. Il suffit de savoir et de ne rien masquer. Dans les musées italiens, on trouve quelquefois de petits écrans peints que le prêtre tenait devant les visages des condamnés pour leur cacher l'échafaud. Le sceau, sous toutes ses formes, la précipitation dans le divin ou l'éternel, l'abandon aux illusions du quotidien ou de l'idée, tous ces écrans cachent l'absurde. Mais il y a des fonctionnaires sans écran. Et ce sont ceux dont je veux parler. J'ai choisi les plus extrêmes. À ce degré, l'absurde leur donne un pouvoir royal. Il est vrai que ces princes sont sans royaume, mais ils ont cet avantage sur d'autres qu'ils savent que toutes les royautés sont illusoires. Ils savent. Voilà toute leur grandeur. Et c'est en vain qu'on veut parler à leur propos de malheurs cachés ou des cendres de la désillusion. Être privé d'espoir, ça n'est pas désespéré. Les flammes de la terre valent bien les parfums célestes. Ni moi, ni personne ne pouvons ici les juger. Ils ne cherchent pas à être meilleurs, ils tentent d'être conséquents. Si le mot « sage » s'applique à l'homme qui vit de ce qu'il a sans spéculer sur ce qu'il n'a pas, alors ceux-là sont des sages. L'un d'eux, conquérant mais parmi l'esprit, Don Juan mais de la connaissance, comédien mais de l'intelligence, le sait mieux que quiconque. On ne mérite nullement un privilège sur terre et dans le ciel lorsqu'on a mené sa chère petite douceur de mouton jusqu'à la perfection. On n'en continue pas moins à être, au meilleur cas, un cher petit mouton ridicule avec des cornes et rien de plus, en admettant même que l'on ne crève pas de vanité et que l'on ne provoque pas de scandale par ses attitudes de juge. Il fallait en tout cas restituer au raisonnement absurde des visages plus chaleureux. L'imagination peut en ajouter beaucoup d'autres, rivés au temps et à l'exil, qui savent aussi vivre à la mesure d'un univers sans avenir et sans faiblesse. Ce monde, absurde et sans Dieu, se peuple alors d'hommes qui pensent clair et n'espèrent plus. Et je n'ai pas encore parlé du plus absurde des personnages, qui est le créateur.